بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعنوان المحاضرة إنجاز التعبير هو معنى السعادة في الإسلام وهو موضوع مهم جدا إذ السعادة مطلب الجميع ومقصد الكل وآراء الناس في سبل نيلها كثيرة ومختلفة فهل ديننا الحنيف سكت عن معنى السعادة وسبل نيلها أم الإسلام بيّن ذلك بيانا واضحا الجواب قوله تعالى وما كان ربك نسيا وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. Ce soir, incha'Allah ta'ala, le sujet de la conférence sera le sens du bonheur et du bien-être en islam. Et ce sujet est un sujet très important, car lorsqu'on observe, le bonheur et le bien-être est la quête de tous et l'objectif de chacun. Les avis et les chemins empruntés pour accéder au bonheur sont nombreux et multiples. Est-ce que l'islam, est-ce que notre religion sais-tu, sans donner le sens du bien-être et du bonheur, et sans expliquer les chemins à emprunter pour y accéder, ou bien est-ce que notre religion, la religion qu'Allah Azzawajal a choisie pour l'humanité, est-ce que cette religion a expliqué de manière claire et sans ambiguïté qu'est-ce le bonheur et comment y accéder? Comme réponse à cette question, nous allons donner deux versets, citer deux versets. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et ton Seigneur n'oublie pas ». Et dans un autre verset, Allah azza wa jal dit « Et nous n'avons rien oublié dans ce livre ». لِهَذَا يَكُونُ الْحَدِيثُ عَنِ السَّعَادَةِ حَوْلَ خَمْسَةِ أُمُورِ. C'est pourquoi, incha'Allah ta'ala, le sujet autour du bonheur, le sens du bonheur, sera autour de cinq points. الأمر الأول مفهوم السعادة عند الناس وعند ديننا. Le premier point que nous allons voir, quel est le sens du bonheur et du bien-être chez les gens en général et dans notre religion en particulier. الأمر الثاني أين توجد السعادة. Le deuxième point, où se trouve le bonheur, puisque tout le monde le cherche, où se trouve-t-il. الأمر الثالث أساس وأركان السعادة. Troisième point que nous allons voir, c'est les bases, les piliers du bonheur. Al-amru al-rabi' ma huwa 'unwanu as-sa'adah. Quelles sont les clés du bonheur, du bien-être et de la réussite? Wal-amru al-khamis aslu as-sa'adati fi ad-dunya wal-akhirah. Ma huwa? Et le dernier point qui sera en réalité une conclusion sera quel est le fondement principal du bonheur dans cette vie et dans l'autre. فلنبدأ بالأمر الأول وهو مفهوم السعادة عند الناس وفي شريعتنا. Commençons par le premier point qui est le sens que les gens donnent au bonheur et le sens donné au bonheur par notre religion. لا يخفى عليكم أن السعادة مطلب الجميع وقصد الكل كل يرجوها وكل يطلبها وكل يسعى في نيلها وتحصيلها. Il ne fait aucun doute que le bonheur et le bien-être est la quête de tous et l'objectif de chacun. Chaque être humain, chaque être vivant recherche son bonheur et en aucun cas ne recherche sa perte. ومن يتأمل آراء الناس في سبل نيل السعادة يجد أنها كثيرة ومختلفة. فمن الناس من يطلب السعادة بالجاه والرئاسة، ومنهم من يطلبها في الغنى والمال، ومنهم من يطلب السعادة في اللهو واللعب، وحتى منهم من يطلبها في الحرام والعياذ بالله، ومنهم وأنواعهم كثيرة. ولو سألنا كلا من هؤلاء عن ماذا تبحث وأي شيء تطلب لقال أبحث عن السعادة، أريد الراحة واللذة وقرة العين وانشراح الصدر، وأريد طرد الهموم والبعد عن الأحزان والآلام. Et celui qui observe la vie des gens concernant le bonheur et le chemin des gens empruntés pour accéder au bonheur remarquera, comme nous l'avons dit tantôt, que les voies empruntées par les gens sont nombreuses et multiples. Certains recherchent le bonheur dans le pouvoir, la responsabilité, la notoriété. D'autres recherchent le bonheur dans la richesse et les biens. D'autres recherchent le bonheur dans l'amusement et les futilités. Il y en a même qui recherchent le bonheur dans ce qui est interdit. Et si on interroge chacun d'entre eux, que recherches-tu ? Tous diront sans aucun doute, je recherche mon bonheur, je recherche mon bien-être, ma sérénité, la paix de mon âme, je recherche à rejeter les difficultés, les soucis et les problèmes. وكثير من الناس مع الأسف الشديد يطلب سعادته فيما فيه شقاؤه وهلاكه في الدنيا والآخرة. اسمعوا هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Et la plupart des gens qui recherchent le bonheur, chacun selon la voie qu'il emprunte, beaucoup d'entre eux ne trouveront en réalité que le malheur et la perte dans cette vie et dans l'autre. Écoutez attentivement le hadith, ce hadith prophétique. Il se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: tout homme se lève le matin et il met son âme en vente. Soit il la franchit ou soit il la conduit à sa perte. Tout être humain recherche le bonheur. Le matin, lorsqu'il sort de chez lui, lorsqu'il entreprend ce qu'il entreprend, il recherche sans aucun doute à ses yeux le bonheur. Certains d'entre eux trouveront ce bonheur et d'autres conduiront leur âme à leur perte. Wa sa'adatu sa'adatan. سعادة حسية وسعادة نفسية. فأما السعادة الحسية فتكون بتوفر المطعم والمشرب والملبس والمركب وما يتبع ذلك من ضروريات الحياة في نعيمها ورفاهيتها، وهذه السعادة يشترك فيها المؤمن والكافر. وأما السعادة النفسية فهي سعادة القلب وانشراح الصدر وقرة العين والطمأنينة، وهذه خاصة بالمؤمنين والمسلمين. Le bonheur, le bien-être est de deux sortes, comme les savants l'ont expliqué. Il existe le bonheur apparent ou un bonheur visible. Il consiste à s'habiller, à boire, manger, se transporter d'un endroit à un autre. Et tout ce que l'homme, tout ce que l'être humain a besoin comme besoin et comme nécessité, comme bienfait et comme confort. Ceci est une forme de bonheur, de bien-être. Et cette forme de bonheur et de bien-être est donnée aux musulmans et aux non-musulmans. La deuxième forme de bonheur et de bien-être, c'est le bonheur intérieur. C'est le bonheur, la tranquillité de l'âme, la sérénité du cœur, le bien-être. Et cette forme de bonheur et de bien-être est spécifique aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala ne la donne qu'aux musulmans. يقول الشاعر لست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد فتقوى الله خير الزاد دخرا وعند الله للأتقياء مزيد. Le poète dit: je ne considère pas le bonheur comme étant le fait de ramasser les richesses, mais le bienheureux est celui qui craint Allah Azza wa Jal et l'homme pieux. Et la crainte d'Allah Azza wa Jal est la meilleure provision à économiser. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a pour les pieux d'autres bienfaits. Al-amru thani, aina tujadu as-sa'ada. Le deuxième point que nous allons traiter, inshallah, où se trouve le bonheur? Puisque comme nous avons dit, notre religion a tout expliqué. Wa qabla al-jawabi 'an dhaka as-su'ali, la budda min al-'ilmi anna as-sa'adata la sabila ilayha illa 'an tariq ash-shar'. وبما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أصل أصيل في معرفة الهدى وتحصيلها. Avant de répondre à cette question, c'est-à-dire où se trouve le bonheur, il est important de savoir que l'homme ne peut accéder au bonheur, ne peut connaître le bonheur qu'avec les enseignements du Coran et les enseignements du prophète صلى الله عليه. Sans les enseignements du Coran, sans les enseignements de la Sunna, il n'y a point de réel bonheur, si ce n'est un bonheur superficiel, un faux bonheur. فالمسلم بما أتاه الله عز وجل من بصيرة بدينه ومعرفة بهدى ربه يدرك أن السعادة بيد الله وأنه لن ينالها إلا برضا الله. قال الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وقال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ونفي الضلال فيه إثبات الهداية ونفي الشقاء فيه إثبات السعادة وقال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي بل أنزلناه عليك لتسعد لتنال السعادة. Et le musulman, avec ce qu'Allah Azzawajal lui a accordé comme clairvoyance dans sa religion et comme connaissance de la guider, il peut comprendre et il sait parfaitement que le bonheur se trouve entre les mains d'Allah Azzawajal et qu'on ne peut accéder au bonheur qu'à travers la satisfaction d'Allah. Écoutez ces versets. Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, il dit « Et c'est lui qui fait rire, et c'est lui qui fait pleurer. C'est lui qui donne le bonheur, subhanahu wa ta'ala. » Et Allah Azza wa Jal dit « Et celui qui suit ma voie, il ne sera ni malheureux, et il ne sera ni égaré. » Et dans le fait de rejeter l'égarement, il y a une affirmation de la guidée. Et dans le fait de rejeter le malheur, il y a une affirmation du bonheur. Et Allah Azza wa Jal dit aussi, Taha, nous n'avons pas révélé sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. C'est-à-dire, nous l'avons révélé sur toi pour que tu sois heureux. Et nous l'avons révélé pour l'humanité pour qu'ils accèdent au bonheur. فَالسَّعَادَةُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ وَلَا يَنَالُهَا الْعَبْدُ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَ وَمَهْمَا بَحَثَ الْإِنسَانُ عَنْ سَعَادَةِ نَفْسِهِ فِي غَيْرِ هَذَا السَّبِيلِ فلن يحصل إلا الشقى والتعب والضياع. قال الشاعر تريد النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. السفينة تجري على الماء. Donc le bonheur est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et la personne ne peut accéder au bonheur qu'à travers l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Si on voit des gens dans la désobéissance d'Allah, même si en apparence ils affichent le bonheur, sache que dans leur cœur ils sont malheureux. Et qu'à un moment ou un autre dans leur paraître, cette tristesse se ressentira et sera visible. Et tant que la personne recherche le bonheur dans un autre chemin que celui indiqué par Allah et son prophète, la personne ne retrouvera que la perte, que la fatigue et que le malheur. Écoutez ce que dit le poète, et il me semble que c'est l'imam Malik rahimahullah qui dit ces paroles. Il dit... Tu recherches le salut, tu recherches le bonheur, mais tu n'empruntes pas ses voies. Et le bateau ne peut pas avancer sur la terre ferme. De même qu'un bateau ne peut avancer que sur mer, il ne peut pas avancer sur la terre ferme. De même, le bonheur se trouve dans les ordres d'Allah et entre les mains d'Allah et ne se trouve pas autre part. Al-amr thalith, asas as-sa'ada. Le troisième point, nous allons voir les bases, dans le sens, les piliers du bonheur. Tout le monde recherche le bonheur. Nous savons qu'il se trouve entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Quels en sont les piliers et les bases ? « I'lamu barakallahu fikum anna asas as-sa'adati ومرتكزها الذي عليه تدور ومحورها الذي إليه ترجع أمران. الأمر الأول الإيمان، والأمر الثاني ما يقتضيه هذا الإيمان من أعمال صالحات وطاعات، أي العقيدة الصحيحة والعمل على وفق السنة النبوية. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ذكر الله عز وجل الركنين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى الركن الثاني وهو مؤمن الركن الأول، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal vous fasse miséricorde, qu'Allah Azza wa Jal vous donne la bénédiction, que le bonheur et le bien-être est basé et pivote autour de deux piliers, de deux points qu'il faut connaître et mettre en pratique. Le premier point, c'est la croyance, la foi. Le deuxième point, ce qu'implique cette croyance comme bonne action et comme bonne pratique. Sachant que dans la croyance des gens de la sunna et de la jama'a, les actions font partie de la foi. C'est-à-dire que le bonheur pivote autour de deux points, la croyance authentique et autour de l'action et de l'adoration faite conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux points sont cités dans le verset suivant. Allah Azza wa Jal dit: tout homme ou toute femme qui fait une bonne action et qui est croyant, nous le ferons vivre une bonne vie. N'est-ce pas le bonheur? Le bonheur, n'est-ce pas, de vivre une bonne vie? Nous le ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons en fonction des meilleurs de leurs actions. Celui qui a la foi authentique et qui fait des actions selon le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaîtra le bonheur dans cette vie et connaîtra le bonheur dans l'autre vie. Quelle que soit sa situation apparente, quelle que soit sa richesse, quel que soit son état de santé, quelle que soit son intelligence, il connaîtra le bonheur dans cette vie et il connaîtra le bonheur dans l'autre vie. Et ceci est la promesse d'Allah, et Allah Azza wa Jal ne faillit jamais à sa promesse. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج. ذكره في زاد المعاد. Écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim رحمه الله dans le sens de ce que nous avons cité tantôt. Il dit: le tawhid, l'unicité d'Allah, la foi, la croyance, ouvre au serviteur les portes du bien, lui ouvre les portes de la joie et du bonheur dans cette vie et dans l'autre. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. Écoutez la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit: croire à Allah Azza wa Jal et au prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe le bonheur et en est la base et le fondement de ce bonheur. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك: في الدنيا جنة يقصد جنة الإيمان والعمل الصالح. في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. من مات على غير إيمان ولا عمل صالح لن يدخل الجنة أبدا. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a aussi dit une autre parole. Il dit: dans ce bas monde, il y a un jardin. Ici, il parle du jardin de la foi et des bonnes actions. Il y a un jardin, celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans le jardin et le paradis de l'au-delà. Celui qui meurt sans foi et sans bonnes actions, parce que même s'il fait des bonnes actions, elles ne seront pas acceptées, celui-là ne pourra jamais rentrer au paradis. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وهو حديث أنس وهو في مسند الإمام أحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم retrouvait une joie dans la foi et dans les bonnes actions. Il disait à propos de la prière: la prière m'a été faite comme la prunelle de mes yeux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal: ô Bilal, appelle à la prière, il y a dans cela le réconfort et la joie du cœur. Al-amr al-rabi' ma huwa unwan as-sa'ada. Le quatrième point que nous allons voir inshallah ta'ala, quelles sont les clés du bonheur et les clés du bien-être et de la réussite. اعلموا بارك الله فيكم أن عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة ثلاثة أمور إذا أذنب استغفر وإذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. يقول ابن القيم رحمه الله إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبدا. Sachez qu'Allah Azza wa Jal vous donne la bénédiction que les clés de la réussite, les clés du bonheur dans cette vie et dans l'autre se trouvent dans trois points. Premièrement, lorsque la personne fait un péché, elle demande pardon. Deuxièmement, lorsqu'elle est comblée d'un bienfait, elle est reconnaissante. Troisièmement, lorsqu'elle est éprouvée, elle patiente. L'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, et on trouve cette parole dans Al-Wab al-Sayyib, il dit, le fait d'être reconnaissant lorsqu'on reçoit un bienfait, d'être patient lorsqu'on est éprouvé, et de demander pardon lorsqu'on commet un péché, il dit, ces trois choses, ces trois points, sont les clés de la réussite dans cette vie et dans l'autre. Et sont les signes de sa réussite dans cette vie et dans l'autre, et personne ne peut s'en passer. Personne ne peut se passer de ces trois points pour accéder au bonheur et à la réussite dans cette vie et dans l'autre. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن في سرائه شاكر وفي ضرائه صابر وفي وقوعه في الذنب مستغفر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et ce hadith se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim, il dit, le cœur du croyant est étonnant, et ceci n'arrive qu'au croyant. Lorsqu'un bien le touche, lorsqu'une joie le touche, il remercie Allah Azza wa Jal et c'est un bien pour lui. Et lorsqu'un mal le touche, lorsqu'une difficulté le touche, il patiente et ceci est un bien pour le croyant. Donc le croyant, dans la difficulté, est patient. Dans les bienfaits, il est reconnaissant. Et lorsqu'il commet un péché, il est repentant. لماذا هذه الثلاثة عنوان سعادة العبد في الدنيا في دنياه وآخرته. فالعبد المؤمن في حياته لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث. العبد في هذه الدنيا إما في صبر وإما في شكر وإما في استغفار وتوبة. لهذا كانت عنوان سعادته في دنياه وآخرته. Pour quelle raison les trois points que nous avons cités sont les clés du bonheur et de la réussite de la personne dans cette vie et dans l'autre? Parce que lorsqu'on observe la vie d'un être humain, il passe forcément par de ces trois étapes. Soit il patiente, soit il remercie, ou soit il se repent et demande pardon. فالأمر الأول إذا أذنب استغفر لأن المؤمن يدعوه إيمانه عندما يذنب إلى الإنابة والتوبة. لهذا نادى الله تعالى أهل الإيمان إلى التوبة باسم الإيمان لما ذكر الله عز وجل التوبة فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في آية أخرى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Donc pour ce qui est du premier point, c'est-à-dire lorsqu'il commet un péché, il demande pardon. Parce que le croyant, sa foi en Allah Azzawajal et sa foi au jour dernier l'appelle à demander pardon et à se repentir lorsqu'il commet un péché. Et regardez, lorsqu'Allah Azzawajal parle du repentir, il s'adresse au croyant. Il dit, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah Azzawajal d'un repentir sincère. Et dans un autre verset, Allah Azzawajal dit, repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, certainement vous accéderez au bonheur, tout à la réussite. قال ابن القيم رحمه الله علامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره. وهذا في مفتاح دار السعادة. ابن القيم رحمه الله دي parmi les signes du bonheur et de la réussite est que la personne met en face d'elle ses péchés et met derrière elle ses bonnes actions. Elle se rappelle qu'elle a fait des péchés, donc ça va la pousser à demander pardon à Allah Azza wa Jal. Et parmi les signes qui conduisent la personne à son malheur, qu'elle met devant elle ses bonnes actions et qu'elle laisse ses péchés derrière elle. يقول الشاعر تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار وتبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار لا خير في لذة في معصية بعدها النار ولو كان الإنسان يتلذذ فيها ناء مزاولتها. Écoutez ce que dit le poète dans le sens de ses propos. Il dit: disparaît la douce saveur de celui qui la recherche dans le haram, et reste après cela la perte et la honte. À la suite de cela, à la suite du péché, il ne reste que les mauvaises conséquences, et il n'y a aucun bien dans une envie qui est suivie par le feu de l'enfer. Quel bien y a-t-il, quel bien-être y a-t-il dans le fait de commettre un péché, sachant qu'après avoir commis ce péché, il risque d'y avoir le feu de l'enfer. الأمر الثاني من أمور عنوان السعادة إذا أنعم عليه شكر فنعم الله عز وجل على عبده كثيرة لا تعد ولا تحصى والسعادة تكون في حمد الله عز وجل وشكره على نعمائه. Le deuxième point qui constitue une des clés du bonheur et de la réussite, c'est lorsque la personne est comblée par Allah d'un bienfait, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on observe les bienfaits d'Allah sur nous, ils sont nombreux. Et le bonheur consiste à remercier Allah Azza wa Jal de ses bienfaits. Et celui qui remercie Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits, Allah Azza wa Jal va lui en rajouter. Écoutez ce que dit le poète. يقول الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تذل النعم وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. Le poète dit, si tu es dans un bienfait, dans un bonheur, dans un bien-être, préserve-le, car les désobéissances font disparaître les bienfaits. Préserve les bienfaits en remerciant Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits, car Allah Azza wa Jal, son châtiment est dur et douloureux. Al-amru thani min umuri unwan as-sa'adati idha btuliya sabr. لأن المؤمن يدعوه إيمانه عندما تصيبه مصيبة وابتلاء إلى الصبر لا إلى السخط. يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا شأن المؤمن إذا ابتلي صبر ورضي. Le troisième point qui constitue une des clés du bonheur, c'est lorsque la personne est éprouvée, il doit patienter. Et le fait d'être croyant, c'est cette croyance en Allah Azza wa Jal qui nous pousse à patienter lorsqu'on est éprouvé par un malheur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: nul malheur n'est à l'homme que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui croit en Allah, Allah guidera son cœur. Et Ilqama rahimahullah disait à propos de l'explication de ces versets, il dit: c'est l'homme qui est atteint par un malheur, qui sait que ce malheur vient d'Allah, et qui l'accepte et qui s'y soumet. Voilà comment doit se comporter le musulman, le croyant, face au malheur, face aux catastrophes, face aux épreuves de la vie. Et en aucun cas il doit insulter Allah Azza wa Jalla. Il doit se mettre en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la foi du destin en bien et en mal un pilier des piliers de la foi. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parle de ce pilier, comment il s'adresse. Lorsque Jibril lui dit: mal iman, c'est quoi la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: an tu'mina billah, وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره لأن الإيمان بالقدر خيره وشره يحتاج إلى الإيمان فركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكرير الفعلي. Regardez lorsque Jibril alayhi salam a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la foi, il lui a dit qu'est-ce que la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la foi c'est de croire en Allah, aux prophètes, aux anges, aux livres, au jour dernier. Et regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du destin en bien et en mal, il a utilisé à nouveau le verbe et de croire au destin et en bien et en mal. Parce que le destin en bien et en mal demande une croyance forte. وما أجمل ما قاله القاضي شريح رحمه الله يقول ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها لأربع. Écoutez cette belle parole de Qadi Shureyh رحمه الله. Il dit il n'y a pas un malheur, une difficulté, une peine qui me touche sans que je remercie Allah Azza wa Jal pour quatre choses. Un malheur le touche et il remercie Allah Azza wa Jal. Ceci est le cas du croyant. أولاً أن رزقني الصبر عليها. Il dit je remercie Allah Azza wa Jal parce qu'il m'a accordé la patience de patienter sur cette difficulté. Je remercie Allah Azza wa Jal d'avoir agi comme un croyant doit agir. ثانياً أن رزقني الاسترجاع أي القول إنا لله وإنا إليه راجعون. Il dit deuxième chose pour laquelle je remercie Allah Azza wa Jal face à ce malheur et cette difficulté, c'est qu'Allah m'a permis de dire al-istirja, c'est-à-dire nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous retournons. Thalithan allam yaj'alha akbar minha. La troisième chose pour laquelle il remercie Allah Azza wa Jal dans ce malheur, il dit oh Allah, je te remercie de m'avoir donné ce malheur et de ne pas m'avoir donné un malheur plus grand encore. Rabi'an ألم يجعلها في ديني ولا تجعل مصيبتنا في ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et la quatrième point, il dit je remercie Allah Azza wa Jal dans ce malheur parce qu'il m'a donné un malheur dans les choses de cette vie, mais il m'a pas donné un malheur qui touche à ma foi, à ma croyance, à ma religion, parce que le vrai capital c'est notre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait oh Allah, ne mets pas notre malheur et notre épreuve dans notre religion. Al-amr al-khamis aslu sa'adati fi dunya wal-akhirah. Le cinquième point que nous allons voir par rapport au sens du bonheur en islam et quels sont les chemins et les voies empruntées pour accéder à ce bonheur, c'est une conclusion au cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quel est le fondement le plus important pour accéder et préserver le bonheur dans cette vie et dans l'autre. I'lamu barakallahu fikum wa rahimakum Allah wa hadha al-amr sirru sa'ada anna asla sa'adati fi dunya wal-akhirah هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله والتدين بدين الإسلام عقيدة وعملا وأخلاقا ومنهاجا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلف هذه الأمة. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وليس من السعداء. Sachez qu'Allah Azza wa Jal vous fasse miséricorde, qu'Allah Azza wa Jal vous comble de ses bienfaits, que le secret, c'est-à-dire la base des bases, le pilier des piliers dans le fait de connaître et d'accéder au bonheur dans cette vie et dans l'autre, c'est un point. C'est de rester cramponné fermement au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'emprunter l'islam comme religion. Dans la croyance, dans l'adoration, dans le comportement, dans le chemin et la voie à suivre. Et ceci pas selon, sur n'importe quelle voie, sur n'importe quelle compréhension, uniquement en suivant la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et des pieux prédécesseurs de cette communauté. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: aujourd'hui, j'ai complété votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et j'ai accepté l'islam comme religion pour vous. Donc le bienfait, la réussite, le bonheur, Allah Azza wa Jal l'a cité entre eux. Ikmal al-Din, le fait de compléter sa religion, et le fait de an yarda al-abdu bidin al-islam dina, consiste en ce que le serviteur choisisse l'islam comme religion. Et Allah Azza wa Jal insiste sur ce point dans un autre verset. Il dit: et celui qui recherche une autre voie que l'islam, une autre religion que l'islam, une autre croyance, une autre pratique, un autre chemin que l'islam, jamais il ne sera accepté. Et en plus de ça, il sera parmi les perdants dans notre vie. Donc notre bonheur, notre succès, notre réussite dans cette vie et dans l'autre vie est uniquement dans le fait de s'attacher à l'islam authentique, c'est-à-dire l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Allahumma ja'alna mimman idha ibtuliya sabar wa mimman idha un'ima shakar wa idha adnaba istaghfar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.